faisait de l'œil à la lune. Le jour où elle est arrivée, tendre et belle et merveilleuse. Dans les hanches, un rien de fou au fond de l'œil. La musique, la musique. Elle a glissé dessous ma peau. Comme une drogue d'arc-en-ciel. Faisant éclater ses couleurs. Sur l'écran de mes tympans fous, elle a ensorcelé mon souffle. La musique, la musique. Tendue vers le déboussolé, un ticket de plus que la dernière chance, un laisser-passer pour tout recommencer, tout recommencer. Elle a mielé café amer, des têtes à tête avec soi-même. Comme une amie du solitaire, qui voudrait bien dire je t'aime à l'invisible devant soi. La musique, la musique. Elle sait dire les silences, ce qu'on enfouit au cœur de soi. Elle féconde la souffrance et souvent la déguise en joie, comme lumière dans la nuit. La musique, la musique. Une amie sûre qui veille en silence. une main tendue vers le déboussolé. Un ticket de plus que la dernière chance. Un laisser-passer pour tout recommencer. Tout recommencer. Elle a meublé mes insomnies. À m'en faire oublier le temps. Avec son doux parfum d'oubli. Elle règle tout en chantant. Elle est la magie des magies. La musique. La musique. Thank you.